Je te demande pas pardon de détester mes sons en acoustique. Prends ça dans tes dents, vas-tu vraiment falloir que je te liquide par un mat. Attends mon son progressif, c'est pas du rap d'alcoolique. J'suis pas du genre agressif, mais j'aime le psychédélique. Mes sons deviennent expansifs dans ta gorge métallique. Je suis anxieux dépressif, on me prend pour une relique. Yeah. Hey yo, Kalashnikov. Mon flow est corrosif comme l'acide sulfurique. Ton visage réfléchit, la peur il, tu paniques. Je vais te rendre hystérique, pas besoin de ma magie. Ben les gens qui trahissent, je t'écris des rubriques. Mes mots viennent du tréfond de mon âme bouillonnant. Comme une rafale d'idées qui s'affrontait maintenant. Ma plume n'est pas ma seule arme et je ne m'en contente. Car j'ai déverse mes pensées sombres et étouffantes. Arme levée, aucune place pour des compromis. Ces boys vous hanteront jusqu'à ce que vos âmes soient pétrifiées. C'est une symphonie mortelle, pas de place pour des étincelles. Chaud partout comme une sauterelle, poison dedans vos cocktails. Même la panique vous consume, hystérique commence à monter. Votre conscience coupable trame, y'a des couteaux aiguisés. Frottez pas du sable sur des plaies déjà ouvertes. Je veux que tout ton corps sache qu'il doit être alerte. Kalashnikov.